Évidemment, dans les sources qu'on va rassembler ensemble, il y aura toute une série de liens qui vous permettront de visiter, de consulter, d'étudier ces corpus d'un genre très particulier. Donc, ces centres que j'ai choisis, je disais, c'est pas simplement parce que je les connais plutôt bien, mais c'est parce que dans l'ensemble de la nébuleuse dont je vous ai dit qu'elle était absolument en effervescence en ce moment, dans cette nébuleuse, ces centres-là ont la particularité d'être des centres qui sont ouverts au travail. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette formule, sont ouverts au travail avec des chercheurs issus de toutes les disciplines des humanités. Un petit clin d'œil à finalement ce que disait Marin, je ne le savais pas, a priori, sur la question de les Digital Humanities sont-elles une discipline. Ces centres sont d'emblée pluridisciplinaires, je dirais même davantage transdisciplinaires, et dans la communauté des Digital Humanities, on parle aujourd'hui de post-disciplinarité. Je pense que tout au long de ce séminaire, on pourra donner un peu de corps à ces questions, mais je ne vais pas m'y engager tout de suite. Je vais plutôt vous montrer comment ces termes-là répondent à certains types de fonctionnement que j'ai pu rencontrer dans ces centres. Donc, dans un premier temps, je vais m'attacher à ce qui ressortit proprement au fonctionnement, au mode de fonctionnement de ces centres. Et dans un deuxième temps, je vais m'attacher davantage à ce qui ressortit à leur fonctionnement en réseau, mais plus que ça, à la multiplication des réseaux qui est liée aussi à cette pratique des Digital Humanities. Alors, ces centres sont des centres qui existent aux États-Unis, au sein même des universités, bien évidemment. Ce sont des centres qui, sur le plan institutionnel, sont parfaitement autonomes, mais je pense qu'il est important d'insister sur le fait qu'ils se nourrissent aussi et qu'ils nourrissent en retour l'ensemble de la communauté universitaire grâce à des liens, grâce à un ancrage, à des niveaux multiples que je vais évoquer rapidement. Donc, ces centres sont des centres animés par des équipes en propre, et des équipes, il faut le souligner, qui rassemblent des compétences diverses. C'est ce que j'appelle une hyper-compétence, non pas dans le sens... c'est pas le fruit de mon admiration, hypercompétence là vaut davantage dans le sens d'hypertexte, c'est-à-dire qu'il y a une façon de coopérer qui est déjà mise en œuvre au sein de l'équipe propre des centres de Digital Humanities, équipes qui sont formées donc d'une équipe de direction uniquement constituée de chercheurs dans les humanités, dans les sciences humaines, et les autres compétences, bien évidemment, sont de l'ordre de l'ingénierie, mais l'ingénierie au sens multiple du terme. Je parle aussi bien d'ingénierie informatique, en l'occurrence, que d'ingénierie documentaire. Pour l'informatique, ça va de la programmation aussi, au web design, etc. Je ne vais pas développer. Il s'agit de voir simplement qu'au sein de ces équipes, il y a non seulement une addition de ces compétences différentes que je viens d'évoquer, mais il y a au fil des années, parce que ces centres ont au moins une quinzaine d'années d'expérience derrière eux, pour les plus anciens, et si ce n'est une dizaine. Et donc, il y a véritablement un type de fonctionnement, j'y reviendrai, qui produit une interpénétration des compétences des uns et des autres. Donc, il faut retenir que ces équipes sont, bien qu'elles aient donc, elles développent des compétences dans ce qu'on appelle généralement l'ingénierie, hein, l'ingénierie numérique, sont dirigées par des chercheurs en sciences humaines. J'ai voulu aussi signaler que, et c'est le sens des fondations, fondations au sens de piliers et non pas de fondateurs, que ces centres sont autonomes, donc, mais en même temps continuent d'entretenir des relations organiques, je dirais, avec le reste de l'université, et c'est très important. Les chercheurs que j'évoquais, qui dirigent ces centres, sont toujours liés à leur département d'origine. Ils continuent d'y enseigner, c'est très très important ça, puisque c'est par ce biais qu'ils embarquent, je pourrais le dire comme ça, des étudiants, des doctorants, pour propager les points de vue développés dans ces réalisations de Digital Humanities, surtout ces réalisations de corpus outillés. Liaison informatique, ça va de soi, il y a toujours dans les universités américaines des centres qu'on appelle Computer Science Department, ou qu'on les appelle autrement, des départements d'informatique de grandes compétences, et qui ne restent pas étrangers au travail, soit par le biais de personnes, soit par le fait de partager des plateformes, des serveurs, des ressources et surtout des compétences aussi quand besoin il y a. Alors, le plus particulier par rapport à ce que nous connaissons, ce sont les relations qu'entretiennent ces centres de Digital Humanities avec ces institutions, avec les institutions patrimoniales en général et en particulier avec les bibliothèques. Ça, je crois que ça mérite véritablement d'être souligné parce que c'est tout à fait loin de ce que nous connaissons du point de vue institutionnel. Il faut savoir qu'en matière de développement de la numérisation, les bibliothèques universitaires aux États-Unis ne sont pas, par rapport au centre des Digital Humanities, simplement des pourvoyeurs de documents qu'on aurait numérisés à l'intention des étudiants et des chercheurs. Ça, bien évidemment, elles le font, mais les bibliothèques se sont avérées être des acteurs majeurs dans le système universitaire américain de la numérisation et surtout aussi de la recherche sur le développement de plateformes de livraison, si on peut dire, d'accès en tout cas, des documents numériques de toutes sortes. Et ça, c'est très particulier, c'est très important aussi dans la façon dont les centres de Digital Humanities sont implantés, liés, on pourrait dire, organiquement avec ces services de recherche des bibliothèques. Par exemple, la bibliothèque de l'Institute of Advanced Technology for the Humanities de l'Université de Virginie a été un acteur, un protagoniste très très important de la conception et de la mise en œuvre d'une plateforme qui est devenue, qui fait partie des Commons maintenant, qui s'appelle Fedora, et je crois même que le TGE Adonis, qui est notre cyberinfrastructure française pour les futurs Digital Humanities, disons, est intéressé l'usage, à l'utilisation de cette réalisation qui est le fruit donc de la bibliothèque de l'université de Cornell aussi, mais également de l'université de de Virginie. C'était simplement pour insister sur cette particularité. Du fonctionnement qui ressortit aussi bien la particularité du fonctionnement universitaire américain, mais aussi du fonctionnement des centres de digital humanity. Là, je voudrais insister sur un aspect là qui est radicalement étrange, je dirais. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est une véritable étrangeté, altérité, on pourrait dire aussi, dans la façon dont les digital centers, digital humanities centers, mettent en œuvre la coopération entre les chercheurs et les ingénieurs au sens élargi que j'ai employé tout à l'heure pour parler d'ingénierie. Ça fonctionne de la façon suivante. Il y a, et là c'est une, ça fait partie de la culture universitaire américaine, cette formule du fellowship qui est très très décisive dans la façon dont les centres de digital humanities fonctionnent et dans la façon dont sont réalisés ces corpus d'études outillés que j'ai évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le fellowship? Peut-être une minute sur la question de la traduction. On a l'habitude de traduire ce terme ici en parlant de chercheurs invités. C'est littéralement juste, mais ça ne rend pas compte de ce que veut dire le fellow dans la culture universitaire américaine, c'est-à-dire que lorsqu'on est invité en résidence dans une université, on devient véritablement intégré comme collègue, comme fellow, dans la communauté universitaire qui nous a invités. Et là, c'est quelque chose de très sensible pour ce qui est des relations qui sont établies. Je crois que c'est très important. Ces fellowships, pour ce qui est de la réalisation, plutôt de la mise en œuvre corpus d'études outillés, fonctionnent de la façon suivante dans les principales universités dont j'ai donné rapidement la liste tout à l'heure. Cette formule est la suivante. Donc, on est invité pour 2 années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 années, on développe tout un protocole qu'on appelle la conduite de projet, pour que, avec le chercheur qui est invité, on arrive jusqu'au développement d'un prototype. Alors, ce chercheur invité, ça se passe comment? Bien sûr, il a candidaté au préalable et a été choisi, et il arrive avec son projet. Et les 2 années qui mènent au prototype se passent de la façon suivante. Il doit bien sûr formuler la façon dont, selon lui, son corpus ou son projet scientifique nécessite une mise en œuvre numérique, instrumentée, etc. Et pendant 2 ans, il va se passer un échange qui peut prendre la forme aussi d'une confrontation et en même temps d'une traduction où progressivement, chacun va renvoyer à l'autre, quand je dis chacun, c'est-à-dire il y a le chercheur historien qui arrive qui en face de lui va avoir un ingénieur qui va lui dire donc voilà, alors ça veut dire qu'on peut faire cette proposition de mise en forme, de mise en œuvre de ton projet. Mais alors ça veut dire que qu'est-ce que tu cherches finalement avec ton projet? C'est-à-dire qu'il y a un renvoi permanent à ce qui est visé, mais du point de vue de l'approche scientifique. On n'est pas là à élaborer un cahier des charges qui va donner lieu à une application par des moyens techniques. On est là à mettre en place une démarche difficile où il va y avoir des problèmes, des rejets mutuels, une première phase d'1 an, et la deuxième année va être encore plus réflexive, on peut dire. C'est-à-dire que tout le substrat épistémologique et méthodologique et technologique de la mise en œuvre concertée peu à peu de ce prototype va être discuté, mis sur la table, formalisé. À ce propos, non, c'est pas ça, je sens un truc, excusez-moi. À ce propos, je voulais simplement vous. Excusez-moi. Je voulais vous signaler que sur le site justement de l'Institute. L'IATH, on va l'appeler comme ça maintenant, entre nous, n'est-ce pas, eh bien, a tenté sur son site de formaliser dans un document et un diagramme même très impressionnant qui peut sembler à première vue vouloir figer les choses, mais qui est un document très très intéressant. Il faut prendre la peine de le lire attentivement, parce qu'il y a là une tentative de formalisation de ce processus très très complexe où la visée est véritablement une interpénétration des points de vue, entre le point de vue de celui qui propose un projet avec sa démarche disciplinaire et le point de vue de cet objet numérique d'un nouveau genre qui va effectivement n'être pas seulement donc une traduction du projet du chercheur, mais quelque chose de plus. Donc c'est véritablement un trajet qui s'effectue pendant ces deux années. J'insiste un peu là-dessus, c'est une des choses qui m'ont intéressée le plus, je dois dire. Voilà. Donc, jusqu'où ces gens-là vont mènent leur compagnonnage ensemble, jusqu'à un stade qu'on pourrait appeler un stade de prototype, charge pour le chercheur ensuite de trouver dans son université d'origine, en général, les moyens de la viabilité ultérieure de son projet. Bien évidemment, le centre de Digital Humanities, avec lequel il a travaillé pendant toute cette période, va offrir tout un support et tout un réseau relationnel aussi pour aider à la viabilité, y compris d'un point de vue financier, ces projets. Alors je voulais signaler aussi que ces centres non seulement sont très implantés dans leur université, mais ont une politique également d'ouverture, c'est-à-dire d'accueil, à travers des rituels différents selon chaque centre, qui tend à inviter périodiquement, en ouvrant à tous ceux que ça intéresse, au public en général, à inviter des chercheurs dans d'autres domaines qui poursuivent d'autres projets, ou même des artistes. Et je veux insister là-dessus parce que des artistes qui, bien sûr, sont des artistes en l'occurrence, qui s'intéressent au numérique, et dans ces centres-là, on a la conception que je partage personnellement, que les artistes qui s'intéressent à la création numérique, eux aussi apportent des visions, apportent des conceptions qui enrichissent tout ce qui constitue ce travail au sein des centres de Digital Humanities. Un aspect sur lequel je ne vais pas insister, non, ça va, c'est bien sûr le financement. Quand même, il faut en parler un peu. Les financements avec lesquels fonctionnent ces centres de Digital Humanities sont d'une part procurés, pas directement, parfois directement par l'université, ou en tout cas les services de la présidence de l'université qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le fundraising, c'est-à-dire la recherche de financement, sont souvent mobilisés pour aider, au moins dans un premier temps, à la création de ces centres de digital humanities. Quand je parle de financement propre, c'est que les centres ont aussi une activité très prenante, et là c'est surtout le directeur qui est le fer de lance de ce genre d'activité, une activité donc très prenante de recherche de financement. Tout de même, et de plus en plus, et c'est là où on voit qu'il y a, on est passé à un degré, à un stade de reconnaissance de ce monde des digital humanities, qui fait qu'il y a, c'est à peu près l'équivalent, mais moins précis, des appels d'offres par toutes sortes d'organismes publics et privés qui alimentent par projet ces centres de digital humanities. Alors pour ce qui est des financements publics, il faut signaler bien évidemment, puisqu'on voit, on a souvent une vision des États-Unis qui privilégie l'apport important, en effet, des financements privés, il faut quand même prendre en considération, et surtout dans ce domaine-là, le fait qu'il y a de puissantes agences fédérales, qu'on appelle nationales aux États-Unis la plupart du temps, comme, qui de plus en plus contribuent à donner les moyens d'œuvrer à ces centres. Donc il faut citer bien évidemment le National Endowment for Humanities, qui est un organisme qui finançait d'une façon générale l'éducation et la recherche dans les humanités, mais qui depuis quelque temps a dédié un de ses 6 programmes aux Digital Humanities depuis 2-3 ans. Je crois que ça vaut la peine d'être signalé, puisque ça montre la reconnaissance, la légitimité finalement, auxquelles les Digital Humanities ont accédé, parce qu'un des programmes d'une NIH est dédié au financement des Digital Humanities. Un autre des 6 programmes est dédié à ce qu'on appelle Preservation and Access, c'est-à-dire la question de la conservation et de l'accessibilité des données. Et donc là, on voit encore que par ce biais-là, puisque c'est une question vive en ce moment, partagée par tous les acteurs de ce domaine, on voit que par ce biais-là aussi, il y a des financements qui arrivent, notamment par le biais des centres de Digital Humanities. La National Science Foundation, qui avait une assiette plus large sur tous les domaines scientifiques, concourt également de façon importante au financement des projets développés dans les centres. Je signalerai aussi un institut public, qui, il y en a plusieurs, hein, mais je signalerai celui-ci pour bien insister sur la liaison étroite qui lie ces chercheurs, ces centres de recherche avec le monde patrimonial. Donc on a un institut qui s'appelle the Institute of Museum and Library Services, qui aussi concourt au financement de nombreux projets. Donc j'ai dit que toutes ces références, elles seront écrites. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui doit retenir tout à fait notre attention dans ce registre-là. Le Library of Congress également, qui est la bibliothèque, comme vous le savez, nationale, si on peut le dire, on peut la considérer comme ça, aux États-Unis, est de plus en plus souvent impliquée dans le développement de ce type de projet. Alors maintenant, je voudrais passer à ce que j'annonçais rapidement tout à l'heure, à savoir le fait qu'il y a une véritable dynamique de réseau qui agite ce monde des centres de digital humanities. J'ai essayé de les distinguer parce que il y a plusieurs facettes et plusieurs dimensions, hein, ce sont des réseaux et à géométrie variable, mais aussi font jouer des ressorts différents, mais qui sont d'une très grande importance pour que ces centres de digital humanities finalement forment un monde. Hein. J'ai employé ce terme de monde tout à l'heure, il faut quand même le justifier un tant soit peu. Et en étudiant la façon dont ces réseaux fonctionnent, je pense qu'on peut, on peut accepter cette terminologie de former un monde. Il y a d'abord ces réseaux que j'ai rangés, classés, dans ce que je dirais des réseaux d'inscription naturelle à ces centres ou aux personnalités qui les font vivre. Des réseaux d'essaimage, dans un premier temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un phénomène aussi là qui est propre à la vie universitaire américaine et qui est la mobilité des enseignants-chercheurs. Alors, je sais qu'ici, c'est une notion qui fait frémir, n'est-ce pas ? Mais elle donne un certain nombre de résultats qu'il ne faut pas négliger, dont le fait que à partir d'un ou deux centres, au fil de l'histoire de ces centres de digital humanities, on retrouve toutes sortes de personnalités qui sont passées, qui étaient dans un premier temps, par exemple, à l'IATH, puisque c'est le plus ancien, il est fondé en 1993, et on retrouve des personnalités qui ont dirigé cet institut, on les retrouve à la direction des centres de l'université Urbana-Champaign ou d'autres, université de l'Illinois, ou encore un dirigeant d'un très gros projet d'archéologie virtuelle qui était à Stanford, vient diriger l'IATH et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un réseau des personnes qui non seulement se connaissent, ce qui n'est pas rien déjà, hein, mais qui en fait essaiment une culture commune, des méthodes de travail, des projets qu'ils connaissent ensemble, dont ils ont tiré les acquis, on pourrait dire, dont ils ont fait les expériences. C'est-à-dire qu'il se développe là tout un maillage humain qui n'est pas seulement une addition, une expansion, on pourrait dire, de compétences, mais qui véritablement agit en tant que réseau vivant qui nourrit une culture qui accumule les expériences. Hein. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, pour le moins. Réseau disciplinaire, c'est important également dans la mesure où les chercheurs en question ne sont pas des outsiders. Ce sont des gens, je veux dire par là, ce sont des gens qui se sont engagés compromis avec la technologie ou pas, étaient des gens, pour la plupart, en termes de génération en tout cas, des gens reconnus dans leur discipline. Hein. Et ils ont aidé comme ça, non seulement à légitimer tous les domaines traités à travers les projets dans les centres de Digital Humanities, mais aussi ils ont fait en sorte que les sociétés savantes, hein, puissantes aux États-Unis, qui ont un rôle aussi un peu différent du rôle qu'on connaît ici, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent contribuer à des soutiens même financiers, hein, et ça change quand même un petit peu la donne. Eh bien, par exemple, une société savante importante comme la Modern Language Association, qui est une société d'historiens de la littérature et de linguiste qui existe depuis, depuis la fin du 19e siècle. Et par exemple, une société très puissante, très nombreuse, et qui soutient des chercheurs qui sont engagés très activement dans les centres pour réaliser des projets. Les réseaux disciplinaires comme les 19e-istes, par exemple, qui sont aussi une des parties fortes, on pourrait dire, des projets et des centres de Digital Humanities, agissent en termes de réseaux. Ce sont des réseaux disciplinaires qui se soutiennent, où les gens se connaissent, et où il n'y a pas de rupture, je veux dire, par le fait d'être engagé dans la réalisation de projets technologiques. Je voulais aussi parler de quand j'emploie le terme de réseau enchâssé, je parle d'enchâssement, c'est parce que ce monde que j'évoque, ces chercheurs, dont j'ai souligné déjà les relations très fortes avec le monde des institutions patrimoniales, par exemple, eh bien, ces mondes, il y a une porosité totale. C'est-à-dire que ces chercheurs qui travaillent sur des projets sont aussi engagés, par exemple, dans les réseaux de l'édition numérique du Text Encoding Initiative, bien évidemment, de la TEI. Ils peuvent être engagés aussi, par exemple, un des chefs de projet les plus anciens, les plus importants de l'IATH, Daniel Pitté, est un des acteurs, enfin des créateurs de la mise au point de l'encoding archive de l'AD. Mais le D, le D. Document, of course, description. Sorry. Et donc, oui, c'est-à-dire que ces mondes sont véritablement intriqués. Quand il y a des grandes réunions de l'IFLA, par exemple, de ces instances internationales, ces associations internationales, des professionnels de la bibliothèque ou du musée, eh bien, tout le monde, de fait, participe et s'informe. Tout le monde participe de ces mondes-là. Il n'y a pas ces coupures qu'on connaît nous-mêmes, qui sont très fortes entre les mondes de la recherche et les mondes des institutions patrimoniales. Je crois que c'est important. En dernier lieu, je voulais signaler, du point de vue de ce que j'appellerais ces réseaux d'inscription naturelle, je voulais signaler les réseaux de projets. Les réseaux de projets. Alors, il y a un certain nombre de grands projets. Comme NINES par exemple, c'est-à-dire le 19th Century Scholarship Online, fait partie de ces très grands projets, qui sont des projets où non seulement on mutualise des corpus qui déjà en eux-mêmes sont des corpus donc d'études outillées, très importantes, très connues, mais on les a mutualisées. Il y a là 65 corpus très importants qui concernent tous les 19e-istes, mais en même temps, les 19e-istes, en l'occurrence, sont des chercheurs qui développent des disciplines, qui sont dans des disciplines considérées comme différentes, essaye de non seulement de mutualiser les textes sur de grandes plateformes, mais en même temps ont développé des outils communs, dont un outil là que j'évoquerai très très rapidement pour ce qui est de NICE, qui est très important, qui est un outil qui s'appelle COLEX, c'est que plusieurs universités, c'est ce que j'appelle donc le réseau des projets, plusieurs universités ont pris part à ce type de réalisation et a développé plus particulièrement un outil donc, qui s'appelle COLEX, qui permet que parmi les nombreux outils qui permettent d'exploiter tous ces corpus rassemblés, qu'on peut interroger bien évidemment et fouiller de façon transverse, hein, c'est la moindre des choses dans ce cas-là, eh bien, il y a avec COLEX, il y a eu la conception à plusieurs universités, à plusieurs centres de Digital Humanities, d'un outil qui permet de former des collections à partir de ces corpus, des collections d'images sont l'objet d'annotations. Et ces annotations, que ce soit des tags ou des annotations plus développées, peuvent être consultées justement par des chercheurs qui ont des approches différentes sur des corpus qui apparemment sont des corpus cousins. Hein, je pense que c'est très intéressant de consulter, de prendre du temps pour essayer de découvrir en profondeur comment fonctionne ce type d'outil, parce que au-delà de la fonctionnalité et de la performance technologique, c'est toute une pratique justement de mise en réseau qui est fondée sur la mutualisation, bien sûr, des documents, mais aussi sur la confrontation et donc le dépassement dialectique, on pourrait dire, parfois, des approches des uns et des autres. Et donc il y a une portée, me semble-t-il, très très très forte à ce type de réseau de projets. Donc, là, je voulais évoquer que le fait d'appartenir ou de générer des réseaux n'est pas suffisant. Il y a aussi la capacité, la culture même, je dirais, qui permet de fonctionner véritablement en réseau. Alors pour fonctionner en réseau, très vite et très tôt, des outils ont été mis en place. Par exemple, on peut évoquer un outil très ancien, mais qui est toujours aussi investi, qui est la liste de discussions. La liste de discussion qui s'appelle Humanist. Alors, Humanist est créé en 1987, hein, c'est-à-dire bien avant qu'on parle de Digital Humanities, et pour cause. C'est une liste qui commence par des échanges grâce à la technique de l'email, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à avoir des listes de discussion telles qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'elle est animée depuis le début par Willard McCarthy, qui est un professeur de Humanities Computing au King's College à Londres. Plus précisément Center for Computing in the Humanities. Ce que je veux dire par là, c'est que très tôt, des relais de discussion, pas seulement d'échanges d'informations, existent dans ce monde des Digital Humanities qui se met en place à travers des centres disons que la dimension anglo-saxonne, mais d'abord anglo-américaine. Pas moi. le réseau anglo-américain fonctionne à plein dès les débuts à partir de ce type d'outils tout simples qui continue d'être un support très très important aujourd'hui pour la discussion, mais bien sûr avec le développement des centres et l'importance aussi que ces centres et ce monde des Digital Humanities a prise, il y a d'autres supports désormais pour que ces échanges, ces confrontations, ces conversations, je dirais, puissent prendre place. Et quand on suit un petit peu ce qui se passe sur ces listes, on est frappé effectivement de la tonalité, hein, on est frappé par la tonalité. Quand je parle de conversation, c'est que véritablement on a une sensation de parole directe. C'est pas une sensation, on assiste à des échanges où la parole est directe, on va droit au fait, on pose des questions, on s'informe de quelque chose qui vient d'advenir, on bute sur un problème et on le met dans ce petit espace public où on sait qu'on est en confiance et qu'on peut converser précisément. Les associations, alors il y a beaucoup d'autres listes et ce on va revenir à la fin de ma présentation à des nouveaux, à d'autres réseaux qui se sont mis en place dernièrement, dont un qui s'appelle CenterNet. Et CenterNet fait partie de ces associations que je vais évoquer là, on pourrait dire. Mais c'est un réseau justement qui dépasse ce monde qui a l'habitude de discuter ensemble. Et on voit que sur les listes de CenterNet, et d'ailleurs les chercheurs qui les ont mises en place, ont fait le constat, ce sont des listes et un réseau mondial là, qui est mis en place. Et on voit bien qu'il y a une partie des gens qui sont inscrits, qui n'ont pas cette culture, cette même culture de la conversation, de l'échange direct. Et ça ne fonctionne pas toujours. Donc je veux dire qu'il y a des outils, bien sûr, hein, on peut se doter d'outils. En revanche, les faire vivre relève d'autres choses aussi. Alors, pour aborder... Pardon ? Oui. Je peux t'interrompre, oh, oui. Pour une précision, justement. Oui. Donc, je n'ai pas bien compris pourquoi cette nouvelle liste fonctionnait moins bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a de nouveaux participants qui ne sont pas connus d'un cœur historique, etc. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays que le petit monde anglo-saxon, enfin anglo-américain que tu évoquais, ouais. Pourquoi est-ce que c'est des nouveaux parties, il y a des nouveaux entrants en fait sur cette liste CenterNet? Oui, il y a beaucoup de nouveaux entrants, mais je pense que enfin, le résultat tend à montrer que on a des cultures de la discussion, ouais. Qui peut-être parce qu'on passe un certain seuil, hein, de participants, comme tu l'évoques, mais je crois que c'est lié aussi aux différentes cultures universitaires et différentes cultures de chercheurs dans les différents pays, différentes régions, sont confrontés et ne peuvent pas prendre langue de point. Il se repose sur un socle d'une quinzaine, voire un peu plus d'années, hein. C'est très peu, et en même temps, c'est beaucoup parce que c'est un terrain de défrichage, hein. C'est un terrain d'innovation, et donc les liens qui se sont fondés dans ce type de dynamique sont vraisemblablement des liens, je terminerai là-dessus après, des liens qui sont quasiment d'une famille, hein, famille élargie, hein, et c'est difficile d'élargir les cercles, on peut le souhaiter, c'est, à mon avis, quand les gens auront coopéré véritablement dans des projets, hein, il y a ça aussi, peut-être que quelque chose peut se lever. Mais il y a beaucoup d'autres outils qui sont développés par toutes sortes d'associations qui sont devenus aussi le support de la diffusion de toutes les informations qui concernent ce monde-là et aussi de discussions, puisque depuis les années 2004, on a mis en place des blogs aussi autour des sites de ces associations. Alors, les associations en question, je les ai listées dans un document auquel on accédera Par ailleurs, sont des associations qui s'appellent, là c'est pareil, c'est la performance de poésie sonore que je voulais vous éviter, qui pourrait démarrer, je veux dire simplement, Association for Computers in Humanities, Arts Humanities, Association for Digital Humanities. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des regroupements. Il y a des regroupements qui sont souvent à l'initiative de centres dans des pays. Il est très notable que la plupart de ces associations sont à l'initiative des centres du Royaume-Uni. Mais ils impliquent en même temps tous ces chercheurs des centres de Digital Humanities aux États-Unis. Alors, ce sont des associations qui ont des statuts aussi, des vocations un peu complexes. À la fois, elles sont là pour coordonner d'une certaine façon, pour donner lieu encore plus à l'échange, on pourrait dire. Mais aussi, elles peuvent servir de relais de financement. En Angleterre, par exemple, c'est le cas depuis qu'il y avait une association qui s'appelait Arts and Humanities Data Service, qui a cessé d'exister en 2008. Arts Humanities a pris le relais, le Joint Information Service, etc. Bref, toutes sortes d'organismes se reconfigurent pour rassembler les financements, mais aussi pour offrir toutes sortes de supports à l'échange d'informations et même à cette conversation, cette forme de conversation que j'évoquais. Donc, les pratiques d'échange, j'en ai parlé, je ne vais pas insister davantage. Je veux simplement mentionner qu'il y a vraiment une dimension de pratique culturelle. Quand je parle de pratique culturelle, ça ne veut pas dire que ce sont des pratiques qui sont réservées à certains espaces culturels une fois pour toutes. Mais ça veut dire que la culture de l'échange, c'est quelque chose, quand on ne la pratique pas, eh bien, il faut une, je sais pas, une initiation, il faut un chemin, voilà, pour l'acquérir. Alors, en dernier lieu, pour ce qui est de cette dimension de la dynamique des réseaux, je voulais, et j'en terminerai là-dessus, je voulais signaler qu'à mon sens, dans cette déjà longue et à la fois courte histoire des Digital Humanities, qu'on calibre à une vingtaine d'années, depuis 2006 environ, je situerai un véritable tournant. Un tournant qui touche à la fois ce monde américain et anglo-saxon en général qu'on a évoqué déjà, mais qui touche tout le monde justement. Je signale donc que en 2006 a été publié un rapport qui a été un événement en fait, qui est un rapport qui s'appelle toujours Our Cultural Commonwealth, notre bien commun, c'est important la formule qui a été adoptée, qui est un rapport, Report on Cyber Infrastructures for Humanities and Social Sciences. Qui a produit ce rapport? C'est l'American Council of Learned Societies, qui est un organisme donc de rassemblement d'experts des sociétés savantes, on peut traduire Learned Societies de cette façon-là, qui implique, comme je l'ai dit déjà, non seulement ce qu'on appelle nous la recherche, mais la recherche même dans les institutions, de la part des institutions patrimoniales, donc il y a toujours cette forte liaison. Et donc ce rapport, il fera partie de la bibliographie absolument essentielle dans ce séminaire, pas seulement, mais c'est un document important. Donc je ne vais pas le commenter maintenant. Je voudrais seulement insister sur la tonalité, là encore, qui est très frappante. C'est-à-dire qu'on sent dans ce rapport que les principaux protagonistes ont décidé, et ils appartiennent à des instances fédérales de recherche, entre autres, hein, aux États-Unis, ont décidé qu'on ne sonne pas le tocsin, mais en tout cas, l'heure d'une certaine prise de conscience a sonné. Et la tonalité, c'est que tous ceux qui ont participé à la réflexion qui a produit ce rapport sont invités à mobiliser autour d'eux véritablement les personnalités relais qui vont développer autour d'eux les digital humanities, c'est-à-dire vaincre les résistances à la démarche des digital humanities dans le monde de l'éducation, dans le monde de la recherche, dans le monde des institutions patrimoniales, afin de développer les digital humanities, mais toujours avec aussi cette préoccupation très forte de délivrer les fruits de ces réalisations, les fruits de ce travail au public en général, pour l'éducation des publics en général. Je crois que c'est important de souligner cette dimension. Ce rapport a déclenché une réaction très rapide des principaux directeurs des centres de Digital Humanities, du moins ceux qui, depuis une quinzaine d'années, jouent un rôle très moteur, très décisif, c'est-à-dire des personnes comme Neil Freistadt, John Unsworth, Geoffrey Rockwell, etc. Vous verrez avec les listes qu'on donnera à quel centre ces noms appartiennent. On réagit immédiatement et on fait en sorte qu'il y ait une réunion avec le National Endowment for Humanities, donc cette agence fédérale de financement, de soutien, et qu'on se donne des outils pour que cette cyberinfrastructure, et là il ne s'agit pas d'outils seulement techniques, hein, mais justement qu'on se donne les moyens de rendre chacun les choses dans son coin. Or, je l'ai déjà dit, aux États-Unis par exemple, un véritable réseau nourri par des relations d'expérience, des relations d'amitié, etc., existe, mais on décide de passer d'une certaine façon à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aussi, après toute une série d'échanges qui ont lieu, par exemple, chaque année à la grande conférence mondiale des Digital Humanities, on prend conscience peu à peu du fait qu'il faut disons, les centres les plus dynamiques, les plus actifs, les plus expérimentés soient moteurs aussi pour que le réseau fonctionne à une échelle différente, c'est-à-dire incluant les autres Européens que simplement, par exemple, les protagonistes et les vieux complices du Royaume-Uni. Donc, depuis cette période, il me semble qu'on assiste à une véritable démultiplication, toutes sortes de consortiums qui se mettent en place, qui sont aussi une façon de répondre à cet appel à la cyberinfrastructure. Donc j'ai oublié de dire que justement les très réactifs que j'ai cités tout à l'heure sont allés voir le NEH. NEH ont reçu des soutiens financiers pour mettre en place ces réseaux dont je parlais et qui a pris le nom de CenterNet. Voilà. Donc, ensuite, depuis 2-3 ans, donc, me semble-t-il, il y a une démultiplication d'institutions des institutions proprement européennes, par exemple. Ça, c'est l'aspect intéressant de l'affaire. Des institutions avec des noms incroyables, du genre Clarine, Daria. Enfin, c'est incroyable, c'est pas incroyable, mais il faudrait... C'est très poétique, mais il faut quand même dire que ça veut dire Clarine, Common Language Resources and Technology Infrastructure, ou Daria, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. Bref, il y a des consortiums qui rassemblent des structures, des points forts, certains laboratoires, etc. Et on essaye, à travers ces consortiums, développer cette notion complexe de cyberinfrastructure. C'est une notion complexe parce que ça veut dire que il faut agir de façon concertée, aussi bien sur le plan technologique, par exemple sur le plan de l'interopérabilité des données, que sur la façon dont, où est-ce qu'on en est du point de vue de la normalisation des langages de balisage des documents, bref, toutes sortes de dimensions tout à fait essentielles dans ces domaines. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça fait des années que tout le monde dit qu'il faut absolument que tout soit interopérable, il faut qu'on agisse de conserve, il faut que... Et en même temps, la vie des structures, c'est la vie des structures. Il y a véritablement des facteurs complexes, multiples, qui font que la dynamique institutionnelle soit prend corps, soit reste une dynamique de technostructure qui peut avoir de grandes... beaucoup d'intérêt. Moi, je n'ai pas encore vu pour l'instant ce que ces méta-institutions finalement produisent en propre. Elles ont la qualité finalement de faire qu'on a des sources où sont mutualisées toutes les informations, les produits des travaux de tel ou tel workshop, tel ou tel projet, mais on arrive un peu, selon moi, à une limite de visibilité avec tous ces consortiums qui sont désormais en place. Alors, il y a aussi le projet Bamboo, il y a toutes sortes de choses, dernier acte, on pourrait dire, de cette montée en puissance des cyber-infrastructures, ou plutôt des méta-structures, ça vient de tomber la semaine dernière, je crois, c'est Chain. Très joli, là c'est plus simple à entendre. Chain, c'est donc Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and Networks. Alors, grâce à Chain, quand j'ai dit on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire là, c'est le méta-méta. Hein. On va englober tout ce qui est déjà plus ou moins sous forme de consortium pour véritablement donner la dimension mondiale. Opérationnel, je ne sais pas, j'ai pas encore étudié ce qu'il y a derrière, ça vient de sortir, si on peut dire. En tout cas, c'est un parapluie, comme disent les Anglais souvent, pour dire qu'il y a une association qui vient chapeauter, c'est Umbrella, pour déjà grosses superstructures de coordination ou de consortium qui existait. Donc c'est Umbrella pour ArtHumanities.net, DHO, Clarine, Daria, CenterNet, Bamboo, TextGrid, qui est une initiative allemande, etc. etc. Vous aurez tout, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça par écrit. Alors, ce qui est intéressant et qui en même temps pose des questions, bien sûr, c'est que le NEH, toujours aux États-Unis, a donné des moyens au comité comités formés par les représentants de toutes ces super associations pour organiser une concertation, un sommet mondial, World Summit, en juillet, avant que se tienne l'habituelle conférence annuelle des Digital Humanities, afin de renforcer les relations entre ces déjà super structures. Alors, je n'ai pas envie de me prononcer sur la pertinence. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir la dynamique à l'œuvre. C'est-à-dire à la fois, il y a une dynamique de toute évidence de convergence, de volonté en tout cas de convergence et de concertation. Il y a quand même un signal aussi qu'on a dépassé un certain niveau de légitimité et de reconnaissance de ce domaine des digital humanities. C'est quand même un des aspects les plus évidents de cette affaire. Mais à quoi est-ce que cette chain va développer des actions propres ou est simplement l'umbrella justement? Est-ce que ça va permettre de drainer des moyens supplémentaires, mais en même temps est-ce que ça va pas rendre plus technocratique la façon de les distribuer? Toutes ces questions, me semble-t-il, se posent. Je ne veux pas me prononcer, c'est vraiment... on est dans l'actualité en train de se faire. Alors, je voudrais conclure, bien sûr, il serait largement temps, hein, je crois que je l'ai passé, non? Voilà, je voudrais conclure en citant quelques propos que j'ai glanés sur un des sites justement qui permet cette conversation que j'ai évoquée à chaque conférence annuelle des Digital Humanities. Maintenant, il y a une sorte de fil de conversation, de blog rapide, c'est pas exactement du tweet, mais c'est entre le blog et le tweet. Et donc, au moment même où les gens assistent à des conférences, dans les couloirs en même temps, ils disent ce qui est en train de se passer, ce qu'ils ont entendu. Et là, à un moment, comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais plus. Enfin bref, ça c'est pas scientifique. Non. Elle cite pas ses sources. C'est une catastrophe absolue. Vous me croirez. Croyez-moi sur parole. Je retrouverai la source. Un monsieur, j'arrive jamais à me souvenir son nom. Il raconte d'une conversation dans un des couloirs de la conférence où tout le monde parle toujours beaucoup. Donc celle de 2009, c'était donc l'année dernière. Et Neil Freistadt, qui est vraiment, qui est le directeur du Maryland Institute of Technologies for Humanities, qui était un personnage, comment dire, au sens le plus admiratif du terme, je dirais, c'est un agité, dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un chercheur incroyable dans son domaine, qui continue d'enseigner, qui fait la course au budget quand c'est nécessaire, et c'est souvent nécessaire. C'est lui qui a mis en place Internet. C'est véritablement en ce moment, disons, le leader, si on peut dire, oui, on peut le dire, le leader de toute cette montée en puissance des Digital Humanities. Et c'est quelqu'un d'absolument délicieux, qui parle très très facilement et qui transmet véritablement ces émotions. Je le dis parce que Neil Freistadt, à la dernière conférence, se répandait dans les couloirs pour dire « Tremendous vitality of digital humanities », c'est-à-dire qu'il exprimait que nous vivons un moment de vitalité très très très forte, très exceptionnelle, et c'est quelque chose qui fait partie de la montée en charge, la montée en puissance. Une autre protagoniste très importante, Julia Flanders, trouvait que l'atmosphère était absolument vibrante. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je voulais conclure sur le fait que, quand j'ai évoqué qu'on arrive à un moment particulier de métastructuration du domaine, disons-le comme ça, je voudrais dire que ce que j'ai remarqué auparavant, en suivant un petit peu le développement de tous ces centres, c'est qu'on en est arrivé là parce que ce réseau dont j'ai parlé, des personnalités qui animent ces centres-là, de Digital Humanities, pour moi, est un réseau militant. C'est une affaire politique. C'est une affaire politique, mais au sens le plus incarné de la conviction qui soit. Hein. Ce n'est pas une affaire technocratique, précisément. Ce sont des gens qui sont convaincus, qu'ils sont une sorte d'avant-garde dans les humanités et les sciences sociales en général. Ils forment une avant-garde et ils ont une sorte de passion, hein, au sens, je le trouve très positif, du terme, qui fait que ils gagnent du terrain, ils gagnent la conviction des autres. Pourquoi ils doivent gagner la conviction des autres? Pourquoi ils forment une internationale militante, je dirais, politique? Parce que ils sont confrontés, et encore aujourd'hui, malgré le stade qu'on a passé, ils sont confrontés à une adversité. Il y a une résistance énorme au sein de toutes les disciplines, hein, des humanities, tout simplement. Il y a encore une résistance très considérable à ce que on puisse adopter des démarches où il n'est pas seulement question d'utiliser la technologie, mais où il est question, du fait de l'exploitation de la technologie, d'interroger en retour les objets et les méthodes des disciplines. Et pour répondre un peu à ce que disait Marin tout au début, je pense que c'est un petit peu comme ça que se posent les choses, que la question n'est pas tant de savoir si c'est plus la technologie ou plus la discipline qui l'emporte, c'est la question de ce qui est renvoyé, ce qui est formalisé du fait de l'exploitation de la technologie, et qui permet d'interroger sur les présupposés, les objets, les finalités, évidemment, de chacune des disciplines. Et ça résiste très fort. Alors, je n'évoque même pas en France comment ça se passe dans nos milieux, ou à l'université, ou même dans des centres de recherche, même si des centres de recherche ont produit des choses intéressantes en France également. Donc, je crois que c'est important peut-être de souligner cette dimension proprement politique, d'une sorte d'avant-garde. C'est important pourquoi? Parce que, en tout cas de mon point de vue, c'est pas souvent que dans le milieu académique il y a des remises en question, il y a des petites révolutions qui touchent les disciplines. Il y en a eu à la fin des années 70, d'ailleurs c'est souvent en Angleterre, vous avez remarqué, que ça se passe, et qu'ensuite aux États-Unis ça prend corps, mais les cultural studies, ça a été aussi une lutte au sein même de l'institution très, très forte, hein, une lutte au sens où c'est une véritable lutte politique, idéologique. Et là, il me semble que c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Et donc, si on passe à une vitesse supérieure, eh bien, on va voir comment cette méta-structuration du domaine va être capable de rester nourri par toute cette production d'idées, d'énergie, de vibrations, pour reprendre les termes qui étaient évoqués dans les couloirs de la conférence de l'année dernière. Je vais m'arrêter là parce que ça suffit comme ça. Je crois. Hein ? On peut s'arrêter là ? Très bien. Non, mais il n'y a pas qu'une chaise ici. On n'a qu'une chaise. Vous vous rendez compte dans quelles conditions on travaille, on va repartir. Ça, c'est. Ok, donc merci beaucoup pour ces informations et cette analyse très, très intéressante. Assez nouvelle parce qu'en fait, je ne suis pas du tout sûr qu'on ait une conscience historiographique de tout ça du point de vue qui est le nôtre, enfin pas tous. Et alors, je voudrais dire des choses, une première remarque sur le fait que. On peut se mettre debout aussi. Hein. Moi, je vais me mettre debout comme ça. D'abord, on a trois dans la salle à tweeter pour le moment. Et on a tweeté ce qu'on a entendu et il y a eu des discussions entre nous en fait. Déjà, alors il y a une première discussion sur la question de la post-disciplinarité, une remarque en anglais de notre camarade italien, si j'ai bien compris. C'est tout simplement que je m'exprime mieux en anglais qu'en anglais. Voilà. Mais on va switcher dans toutes les langues, juste, sauf le russe. Parce que là, c'est trop compliqué. On peut essayer le japonais, mais disons. Donc il y a première chose, et puis d'autre part, j'ai eu des remarques de René Audet de Québec sur un autre de mes tweets, donc c'est une illustration, c'est peut-être mode, et peut-être que dans 5 ans on trouvera ça ridicule, mais il me semble que là on est dans un séminaire ouvert et on a des retours. Donc la première remarque du coup de la personne physiquement présente, et je transmettrai la deuxième remarque de la personne absolument absente, et donc qui a tort, puisqu'elle est absente, mais en revanche qui écoutait avec intérêt tous les tweets. C'était une remarque tout à fait ponctuelle liée à cette idée de la post-disciplinarité, pluridisciplinarité. Bon, étant donné qu'il s'agit d'une thématique qui m'interpelle pour certaines raisons, au-delà du fait qu'on remarque, si on regarde la cartographie de la production scientifique actuelle, qu'il y a beaucoup plus de liens entre les humanities et les sciences sociales, ce qui est tout à fait imaginable. C'est tout simplement pour mettre un bémol à l'idée ou à la promesse, si vous voulez, de post-disciplinarité. Il y avait une question véritable que j'ai pour vous. Vous venez d'évoquer la question de cette avant-garde, ou cette idée de s'apercevoir comme une avant-garde. Des étudiants humains, quel est le rapport entre l'avant-garde d'aujourd'hui, 2009-2010, et les autres avant-gardes qu'on a eues dans le même domaine il y a 10 ans? Il y a 10 ans, on parlait de Cyber Studies, qui était une évolution de littérature American Studies et Cultural Studies, tout simplement dans le contexte anglo-saxon, et on a eu une montée en puissance autour de 2000 ans, 2002, et après, pouf, effet soufflé. Ça s'est complètement dégonflé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des échos de ça ou... Moi, je ne connais pas tout le paysage universitaire américain, loin de là, bien évidemment. Pour les cas que je connais, ce que vous appelez le soufflet qui se dégonfle, je verrais davantage quelque chose qui s'est intégré. Qui a pénétré durablement et qui n'est plus un phénomène en tant que tel, mais qui fait partie de façon normalisée, on peut le regretter, mais en tout cas normalisée finalement du paysage disciplinaire. Par exemple, ça m'a frappé beaucoup, en l'occurrence à l'Université du Maryland, que le Maryland Institute, dont j'ai parlé, est très... Quand je parlais d'implantation dans l'université même, est très attaché à donner forme à des relations organiques, on pourrait dire, qui sont établies avec certains départements sur les gender studies, Afro-American history, etc. Hein, et qu'il y a là une désorientation des projets qu'ils mettent en œuvre, par exemple. Et alors on voit bien que selon l'université, effectivement, où on se trouve, on voit bien qu'il y a eu intégration ou pas, mais là c'est l'histoire même de l'université, où justement cette mobilité aussi, qui fait qu'il y a passage ailleurs. Hein, il y a tout ça. Mais je ne verrais pas ça, effectivement, comme un soufflet qui... Je suis très américaine. J'ai jeté le masque. Enfin, cela dit, sérieusement. Dans la remarque que j'avais formulée sur 30 ans d'histoire aperçue au pas de course, parce que moi non plus je ne suis pas spécialiste de cette question, mais il m'a paru, me paraît évident que les promesses ont souvent été telles et les coups tels qu'il y a eu des moments d'abandon littéral du champ de bataille complet. Ce qui fait qu'on est reparti à zéro. Alors il est possible, de toute façon, l'évolution des technologies a été tellement rapide et la maturation des enjeux sur les formats, etc., était tellement rapide, qu'il était impossible de faire autrement. Et moi, il me semble quand même qu'il y a eu un mirage technologique à plusieurs reprises, et que ce mirage a fait beaucoup de mal à ceux qui l'ont porté, c'est-à-dire qu'ils l'auraient porté de façon plus modérée. Moi, je fais partie des digital enthousiastes. Malgré tout, je pense que l'excès d'enthousiasme nuit souvent à ces porteurs de projets qui, pour trouver des moyens, évidemment, ont envie de promettre des lendemains qui chantent. Mais le problème, c'est que la vertu heuristique de ces démarches n'est pas nécessairement trouvée en 1, 2 ou 3 ans, voire 4 ans. Enfin, il se peut qu'on tâtonne très longuement avant de déboucher sur un bouleversement scientifique suffisamment important pour qu'il soit totalement évident et que, du coup, il vaille la peine d'être poursuivi. Par ailleurs, il y a une dimension ingénériale, d'ingénierie importante, souvent dans ces domaines, qui font qu'il faut se spécialiser fortement, et qu'il y a un moment où on n'est plus reconnu par ses pairs dans la discipline mère. Et que donc, à un moment, il faut abandonner la spécialisation en cours pour, si l'on souhaite... Parles ici ou... Moi, je parle plutôt de la situation française. Oui. Parce que, voilà. Mais donc, je ne sais pas ce qu'il en est de l'abandon du soufflet en 2001 aux États-Unis. Je ne le connais pas assez. Il y a quand même des forts enjeux de représentation importants. Par ailleurs, il y a des enjeux de maintenance des dispositifs parce que, une fois qu'une recherche est faite, dans le pilotage par projet, et là, ça, c'est universel, oui. Le pilotage par projet a pour objectif de produire du jetable. Le non jetable étant la publication, mais ce n'est pas la démonstration de publication, puisque maintenant l'instrument est aussi important que la publication elle-même. Voilà, il y a des enjeux de changement d'écosystème scientifique qui me semblent poser des problèmes parce qu'il y a des surcoûts importants et de la mobilisation d'hommes importante pour arriver à émuler des vieux systèmes pour qu'on soit encore en mesure, quelques années plus tard à peine, de les refaire tourner. J'ai juste une remarque à faire. Dans tout l'exposé que tu as fait, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on a l'impression d'une ce que j'appellerais une montée vers le haut de ces organisations, où on passe des centres au méta et puis au méta-méta. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont concentrées effectivement aujourd'hui, qui sont investies aujourd'hui dans la construction du méta et du méta-méta, du réseau, etc. Et la question que je me posais, c'est... Et au niveau grassroots, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire, est-ce que les efforts sont continus ou sont relativement importants pour une implantation au niveau, pour que ces pratiques soient le plus largement partagées par les chercheurs, par les enseignants-chercheurs, etc. Et j'ai l'impression que, mais c'est l'impression que ça me donnait en fait, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'énergie, une espèce de fuite en avant en quelque sorte, et je me disais, mais à la base, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un approfondissement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de chercheurs ou d'équipes de recherche et de projets qui se développent utilisant des technologies numériques, etc. J'ai que des réponses très partielles, mais ce qui est important, c'est les questions effectivement qu'on est amené à se poser. Alors, je vais d'abord essayer de dire quelque chose là-dessus, parce que, effectivement, moi, ça me préoccupe, et c'est pas un hasard si j'ai très naturellement construit cette représentation. Ouais. C'est une représentation. Mais ce que je peux savoir de la façon dont les choses s'effectuent dans la réalité, je suis par le net d'ailleurs, donc je continue de suivre un certain nombre de centres, d'universités pour voir comment ça se passe. Dans ces universités, j'ai parlé tout à l'heure, évoqué ce qui est de l'ordre d'un essaimage interne aux universités. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des centres de Digital Humanities, la cause est entendue. Mais il y a aussi, quand je disais que des étudiants, des doctorants sont embarqués, il y a aussi de l'essaimage au sein de certains départements. Il y a des laboratoires, c'est encore autre chose, des laboratoires qui se créent sur des projets, sur des objectifs de certains professeurs, sur des disciplines, etc. Il y a une dissémination. Il y a une dissémination qui est prise en charge. Et après, et ce que je pense qu'on peut craindre peut-être, c'est qu'il y ait une division du travail plutôt, enfin des tâches, qui soit trop prégnante, pour que justement ceux qui sont à la moitié de la pyramide soient aspirés dans des tâches effectivement qui demandent énormément d'énergie et qui les coupent éventuellement. Je ne pense pas qu'on en soit là. Pour répondre alors à la question de la durée dans le temps, de l'avant-garde, je ne sais pas, ça n'a pas de sens de dire qu'une avant-garde dure dans le temps, mais... Il y a quand même une dimension qui me semble importante. C'est le fait que, à la différence peut-être de d'autres mouvements, encore que les cultural studies ont bien été aussi le reflet de changements profonds au sein même de la société. Peut-être puissance encore supérieure, c'est la façon dont le numérique traverse l'ensemble des activités de notre société, et que la question de la recherche et la question de la distribution des produits de la recherche, au centre, il y a la question de l'enseignement quand même. Ce que je veux dire, c'est que si on est un peu sérieux, on doit comprendre qu'aujourd'hui, on peut parler, effectivement, il serait sérieux de parler de transliteracy, on n'a pas de mot pour ça. Hein, c'est-à-dire que le savoir lire et écrire aujourd'hui, qui est requis pour tout le monde, comme horizon proche, nécessaire, c'est précisément de se servir de tout... de tous ces médias de façon aussi courante que le lire et l'écrire et le compter. Alors, à quel degré s'en servir ? Non, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui se sont lancés dans cette aventure, ils sont totalement, me semble-t-il, portés aussi par ces nécessités-là et par le fait que dans l'ensemble de la société, on se sert de plus en plus des outils. D'ailleurs, au sein des équipes qui travaillent sur des projets Digital Humanity, c'est pas un hasard si aujourd'hui on parle beaucoup de la façon dont on importe, mais on fait des mixtes avec des outils qui ont été créés par le courant du web, on pourrait dire, avec des outils très sophistiqués qui ont été produits par une ingénierie pointue, des démarches telles que j'ai essayé d'en rendre compte un tout petit peu, etc. Donc je pense qu'il y a là une perméabilité obligée et ça ne peut pas retomber comme un soufflet. Alors, moi je suis limitante. La deuxième... Je sais pas si ça répond, mais c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Alors, ceux qui doivent partir, on vous demande de marquer votre nom. La deuxième remarque qui nous vient de Québec, c'est j'ai tweeté sur la création de Grenelle, et il a trouvé les archives avec la première liste, 87, mais qui va exactement dans le sens de ton argument, qui est en fait une passerelle anglo-américaine. Donc, donc tout va bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on enrichit. Enfin, il y a deux éléments dans cette remarque. C'est d'abord qu'on peut ajouter quelques précisions, et puis de toute façon, le savoir est tellement grand qu'on ne peut pas le cerner. Donc ça devient un savoir collectif, et donc c'est ça qui est à l'œuvre. Deuxièmement, c'est qu'en fait, c'est vieux, mais il y a une archive électronique, et en fait, on n'est pas si démunis que ça, et la personne qui a inventé les smileys a mis du temps, mais a fini par retrouver la bande magnétique dans laquelle il a proposé d'utiliser le smiley au début des années 80. Et donc, on arrive en fait à faire du data mining dans les archives des réseaux, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, on ne perd pas complètement la mémoire, contrairement à ce qu'on pense intuitivement.